Cyclistes peuvent circuler en sens inverse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce sens? Oui, réponse C. Non, réponse D.